tout ce qui est collectif, puis qui domine l'individualité, on dirait qu'il y a un lien avec des forces de domination. Des forces de domination, puis de soumission, ça revient au même, c'est la polarité de l'espèce d'aspect animal lié au vampirisme, entre autres. Puis la politique, bon, c'est lié à du pouvoir, puis le spirituel, c'est lié à de l'influence. Moi, dès que c'est l'affaire, là, comme un leader spirituel, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut leader les esprits, les âmes? Ce qui est évolutionnaire, ce qui est évolutif, c'est que les gens aient les outils d'eux-mêmes, de voir par eux-mêmes, d'évoluer par eux-mêmes. Dès que c'est lié à toutes les notions de guider, de contrôle, de pouvoir, donc tout ce qui est les hôpitaux, dans le sens au début que c'était l'Église, puis après l'éducation, les services sociaux, puis comme on parlait tantôt, dès que c'est toujours bien intentionné, puis le mal va se justifier en se présentant comme le bien, puis après ça, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, ben c'est ça. Puis après ça, on se rend compte que la religion, ça va être lié à des guerres, ça va être lié au terrain. C'est une forme de politique, mais encore plus loin dans l'occulte de l'âme, les mécaniques de l'âme. Donc.